Chapitre 7e. Préparatifs. Au mois de décembre 1912, les aviateurs, les mécanos et les habitués de l'aérodrome des Temples étaient intrigués par les sorties fréquentes d'un aéroplane d'un nouveau type dont les formes, et surtout la tenue dans l'atmosphère, étonnaient tous les connaisseurs. Cet appareil se différenciait en tout de ceux qu'on avait vus jusqu'à ce jour. Ses dimensions surtout surprenaient. Chacune de ses ailes, en effet, n'avait pas moins de 8,50 mètres de long, ce qui lui donnait 18 mètres d'envergure et 72 mètres carrés de surface portante. Ses ailes étaient métalliques ainsi que leur carcasse. Elles étaient dessinées suivant un plan absolument nouveau, d'une convexité assez prononcée et de plus moulées un peu obliquement par rapport au fuselage en forme de V très ouvert. On ne voyait pas de gouvernail de profondeur, et l'on assurait que le créateur de cet appareil avait réalisé non seulement le problème du gauchisme automatique, mais encore celui de l'équilibre longitudinal également automatique. Les formes de l'ensemble étaient si bien comprises dans le sens de la moindre résistance à l'avancement qu'un moteur de 40 chevaux suffisait pour lui donner une vitesse de 150 km à l'heure par temps calme. Tel qu'il était, on avait vu cet aéroplane tenir l'air avec une admirable facilité par les violentes bourrasques de novembre et même par de véritables tempêtes. On avait pu constater ce résultat sans pouvoir en connaître la cause d'une façon précise, car l'appareil, quand il ne volait pas, était soigneusement mis à l'abri dans un petit hangar construit tout exprès et qui ne restait jamais sans gardien. On en était donc réduit à se répéter les renseignements que nous venons de donner sans savoir s'ils étaient exacts. Ce dont on était sûr, pour l'avoir vu des visus, c'est que cet aéroplane était incontestablement supérieur et de beaucoup aux appareils ordinaires, si perfectionnés qu'ils fussent. Est-il besoin d'ajouter que l'avion qui provoquait tant de curiosité n'était autre que celui de l'ingénieur Dubois? Sans patience, en effet, c'était fait le commanditaire de l'ingénieur. Il ne pouvait mettre celui-ci au courant de la teneur du testament de son oncle. Il s'était donc borné à lui confier qu'il avait un très grand intérêt à traverser l'Atlantique en aéroplane et lui avait demandé s'il croyait la chose possible. Ce à quoi l'ingénieur, très nettement, lui avait répondu par l'affirmative. Seulement, et selon lui la chose n'était réalisable qu'avec son appareil à lui, actionné par le moteur rotatif qui permettait une consommation réduite de carburant. Mais si ce moteur ne pouvait pas être mis au point en temps utile, l'ingénieur était d'avis qu'on pouvait néanmoins tenter la traversée avec un moteur ordinaire monté sur son appareil. En ce cas, deux relais de ravitaillement devraient être organisés en plein océan à 400 ou 500 lieues l'un de l'autre afin de permettre le réapprovisionnement en essence. Il suffirait pour cela de donner rendez-vous à deux petits navires en des points convenus où ils devraient croiser en guettant le passage de l'aéroplane. Il était naturellement entendu que quel que soit le moteur utilisé à la propulsion de l'aéroplane, celui-ci devait être muni de flotteurs afin de lui permettre, en cas de panne ou pour toute autre cause, de se poser sur les flots sans enfoncer. Tout étant ainsi convenu, nos deux amis s'étaient mis à l'œuvre. La période qui s'était écoulée entre le mois d'octobre et le mois de décembre avait été, on s'en doute, des plus laborieuses pour eux qui, depuis, ne s'étaient guère quittés. Sans patience, avait juste effectué le voyage Verdun et retour pour y aller chercher la provision des 40 000 $ que l'on sait, précieux viatique, sans lequel on ne pouvait faire grand-chose d'utile. Une fois la question d'argent tranchée, les choses avaient été rondement, étant chez l'industriel chargé de la construction de l'appareil, que chez le spécialiste qui s'occupait du moteur, sans patience s'était fait une réputation redoutable. Dès qu'on le voyait arriver, c'était une véritable déroute, et c'était à qui, depuis le patron jusqu'au moindre attrape-science, se défiler à son approche pour éviter d'écoper. Il est vrai qu'on s'était assez vite habitué au personnage, car on avait remarqué qu'avec lui, les premières minutes seules étaient difficiles. L'accès passé, sans patience devenait un homme comme un autre, plutôt sympathique même, car vis-à-vis des ouvriers, il avait le pourboire aussi facile que la colère, et les ingénieurs avaient vite constaté que cet original avait une conversation réellement intéressante, qui dénotait un homme doué d'un rare bon sens et très averti au point de vue des sciences physiques. Ces interventions journalières n'en étaient pas moins appréhendées à cause du coup de boutoir qui servait inévitablement d'entrée en matière. Ils avaient beaucoup contribué à hâter les choses. Il avait fallu 6 semaines pour construire l'aéroplane lui-même, en attendant la mise au point du moteur rotatif, dont l'achèvement demandait plus de temps. Le nouvel appareil avait été doté d'un moteur ordinaire et, comme nous l'avons dit, ses essais avaient immédiatement commencé. Sans patience, et l'ingénieur avait ainsi pris l'habitude d'être toujours ensemble. Tous deux déjeunaient à midi dans un quelconque restaurant. Et en dernier, sans patience, s'était fait une habitude, qui lui devenait de plus en plus chère, de dîner tous les soirs rue de Grenelle, chez ses nouveaux amis, et de passer la journée du dimanche tout entière avec eux. Il ne faut pas conclure que, du fait de cette fréquentation journalière, les rapports entre les deux hommes fussent exempts d'orage. Malgré toute sa bonne volonté, sans patience ne pouvait évidemment changer de caractère du jour au lendemain. Les premiers jours, il s'était contenu tant qu'il avait pu. Mais ses altercations fréquentes avec les garçons d'hôtel et les cochers, ses habituelles victimes, étaient un excitant insuffisant pour son humeur atrabilaire. Aussi, dès le 5e jour de leur fréquentation, Antoine Dubois avait-il fait connaissance à propos d'un motif utile avec les emportements coutumiers de son nouvel ami. Comme il avait été prévenu, il ne s'en émut pas plus qu'il ne s'en formalisa. Et la crise passée, il laissa sans patience s'essuyer le front et reprit la conversation au point où il avait été arrêté avec autant de tranquillité que si son commanditaire ne venait pas de l'agonir de sottise. Dès lors, l'habitude était prise, et l'ingénieur supportait avec beaucoup de philosophie les crises périodiques de son irritable ami, à tel point même qu'il avait l'impression de manquer de quelque chose quand les crises tardaient. « Tiens, » disait-il alors avec flegme, « vous n'avez pas encore eu votre crise aujourd'hui. Seriez-vous souffrant, mon cher ?» Sans patience souriait, à moins qu'il n'éclatât ce qui arrivait le plus souvent. Ce détail à part, les deux hommes s'entendaient fort bien, ce qui s'expliquait par la différence de leur caractère et de leur tempérament. Sans patience était un homme d'action qui ne songeait qu'à foncer sur l'obstacle pour le culbuter. Sa surabondance d'énergie en faisait une véritable machine à agir. Antoine Dubois, au contraire, était avant tout un méditatif, toujours attelé à la recherche d'une idée ou à la solution d'un problème. Il était, quoique jeune encore, de la race de ces savants qui vivent en eux-mêmes, pour qui le monde n'existe pas quand ils ont le cerveau occupé, et qui, à l'occasion, extrairaient une racine carrée au milieu d'un déchaînement de mitraille, avec autant de tranquillité que dans leur cabinet de travail. On comprend donc combien les emportements de sans patience avaient peu de prise sur une pareille nature. La plupart du temps, l'ingénieur, absorbé par ses conceptions, n'entendait même pas les imprécations furibondes de son compagnon. Il était toutefois une personne devant laquelle sans patience mettait une sourdine à son caractère violent. C'était la sœur de l'ingénieur. Jamais encore, quoique les occasions de le voir fussent assez fréquentes, Mademoiselle Dubois n'avait assisté à la tumultueuse explosion de ce volcan humain. Quand elle était là, Antoine Dubois, qui était contrariant à 16 heures, pouvait se permettre toutes les taquineries vis-à-vis de sans patience. Sans patience ne bronchait pas, et c'était à croire alors qu'il n'avait jamais mérité son surnom. Il lui était bien arrivé quelquefois de sauter sur son chapeau et sa canne et de s'enfuir sans mot dire, les yeux hors de la tête et le visage congestionné. On l'entendait alors descendre en trombe les étages au milieu d'un vacarme qui faisait sortir les locataires sur leurs portes. Et Antoine Dubois disait tranquillement à sa sœur, « Ne t'épouvante pas, ma chérie, ce n'est que le 4e accès de la journée. » Cela faisait sourire la jeune fille, déjà au courant du travers de cet original. Du reste, le lendemain, sans patience se présenta à elle avec autant d'aisance que si sa sortie de la veille n'avait rien eu que de très correct. Ses galants et encore inconscient travail se faisaient dans l'âme de ce garçon déjà âgé, qui jusqu'alors avait vécu pour ainsi dire en marge de l'existence, au fur et à mesure qu'il connaissait mieux René Dubois. sans y prendre garde, il songeait souvent à cette jeune fille si intelligente, si instruite et si simple, d'une humeur toujours égale, qui vivait une existence si digne et dont il s'était mis à aimer le grave sourire. Et il tombait souvent dans de longues et silencieuses rêveries qui étaient un sujet d'étonnement pour l'ingénieur. « Eh bien, mon cher, » lui disait alors celui-ci, « encore un accès qui couve ?» Sans patience, haussait les épaules sans répondre. L'ingénieur, trop savant pour être clairvoyant, ne pouvait deviner que son ami avait fini par voir clair en lui-même. Et quand ces moments de mélancolie si rares chez lui, il se disait qu'il aimait un ange, mais que malheureusement, on n'avait jamais vu un ange consentir à épouser un hérisson.